la calle antes de cumplir yo lo que sé. Corría de su ley, salta la pena tener un esquince. Fue malo, lo hice solamente porque yo quise. Lo bueno, ya di yo no lo sé, lo sé. Que si era malo lo que sentía, era bueno comenzaría. Que ya pasé hasta tsunami. Y el coleta es el que guía. Aquí la verdad no se fía. Falta respeto, no consentía. Ay, madre mía. Je fais courir les civils, mon prix, mon shit et toutes mes zig. C'est pareil dans toutes les cités. Tu sais quand je vise, moi je suis précis. M'en fait du mal, je les ai laissés. C'est la vie, c'est comme ça, ouais, c'est ainsi. Après, ils se sentent délaissés. Je connais des gens, c'est des criminels. Ils ont calage, cloque, copinelle. Ils ont tout le temps en bolide neuf. Accompagné d'une jolie meuf. J'ai fait courir la police, tiens. Je suis en fumette, tu amnésia. Cherche pas la guerre, c'est pas les armes. Tu sais, c'est toi qui t'as dit ça. Qu'on nous entende. Qu'à Palerme, j'vois que c'est la même galère jusqu'aux hospitalettes. Ça veut croquer dans la galette. Sortir maman de la merde, million dans la mallette. JS ou T-Max, Asics ou Air Max. On sait que t'as pas un arrêt de nous faire le mec Mac. La purée, je se moque et j'me dis qui c'est ce mec. Qui parle de moi, qui me rabaisse et qui se moque. Fatos locos, ça fait le boss des boss. Ça braque sa crosse, fait des poursuites en crosse. Fatos locos, ça fait le boss des boss. Ça braque sa crosse, fait des poursuites en crosse. Ça braque, ça crosse. Fais des poursuites en crosse.